fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin ira sur le terrain avec sa chronique Déchiffrons le campus et on goûtera de la nourriture pas de classe dans le segment fast food, une grosse pointe dans le reste. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui, là, alors ce jeudi 27, ouais, je sais plus trop pourquoi j'ai dit ça, 27 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. C'est difficile, ça, comme début. Ben oui. Tout est mêlé, il y a des affaires que je joue par-dessus, puis il y a ça, puis il y a ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a. Peut-être quelqu'un qui a inversé les boutons sur la console. Ça doit être ça. Moi, je faisais ça avec le cube Rubik de ma grand-mère. Elle n'était pas contente. Les petits collants, bon. Oui. Et que t'es taquine. Ouais, tu sais, ça paraissait un peu, là, ça se collait pas très bien. C'est drôle comment ça nous surprend pas du tout, Stéphanie. Hey! Hey! Je suis pas une tricheuse. aujourd'hui, l'émission, Steph, veux-tu savoir de quoi on va parler? Oui! Mm-hmm. On va avoir notre chronique de fast-food, une grosse pointe all dress qu'on va faire tantôt en milieu d'émission. Ah, ça me semble bien. Chronique qu'on a remise deux fois plus tard. Ouais, je te dirais qu'on commence à avoir hâte, là. Pas mal. Donc, on va faire ça tantôt. À 9h, tu vas faire le poste d'écoute. Mm-hmm. Avec une nouveauté de la discothèque de C'est fou. Exactement. Mm-hmm. Mais on va débuter avec notre ami Laurent Constantin, qui est juste à côté ici. Bonjour, ça va, Laurent? Bonjour, ça va bien, vous autres? Oui, très bien, très tellement bien. Est-ce que tu es prêt à parler des actualités du campus du QTR? Suite à mon intro, je suis prêt à parler des actualités de l'UQTR. Est-ce que tu veux l'intro que je mette genre une pub puis une autre chanson de même par-dessus? Puis, Fais une chose à la fois. Fais une chose à la fois, là, Mathieu. On dirait un choc électrique. Voici Déchiffrons le campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Salut Laurent Constantin. Salut Mathieu Plante. Ça va toujours bien comme avant l'intro, finalement? Oui, comme avant l'intro. Mais après l'intro, ça va encore mieux parce qu'on a pu crier comme un loup. Des loups. Certainement, on se sent maintenant bien réveillé et prêt à parler des actualités du campus. Parce que ça en passe des choses sur ce beau campus. Oui, ça en passe. Puis là, aujourd'hui, je m'en viens de vous parler de quelqu'un. Là, voyons, la rectrice. C'est quoi son nom, la rectrice? Attends un peu, là, question piège, hein, je te gâche. C'est une femme, rectrice. Roberta. Roberta. Hmm. Non, c'est pas plutôt Nathalie. Nathalie. Pissenlit. Oui. Ah, Nadia Ghazali. Ah, Nadia Pimanzi. Ben oui, c'est quand même surprenant de pas se rappeler de son nom puisqu'on n'a pas entendu parler de l'UQTR autant que ça depuis 2 ans. Ouais. Moi, je ne sais pas si ma phrase fait du sens, là. Mais bref. Les grands médias parlent beaucoup de l'UQTR. Oui, depuis 2 ans. Ouais. Ça coïncide un peu avec l'arrivée de Nadia Ghazali à la tête de l'administration du QTR. Oui, les journalistes en viennent bon pour écrire son nom. Oui, H à bonne place, 2, 3 Z, 4, 5 I. Le maire évêque est sûrement capable de prononcer son nom aussi. J'espère pour lui. J'espère. On sait pas. Donc, depuis qu'elle est en poste, oui, on entend beaucoup parler de l'UQTR, pas tout le temps pour les bonnes raisons. Non. Et là, dernièrement, dans les médias, il est sorti un procès verbal qui avait été jusqu'à ici... Tenu en secret, tenu caché, puisque c'était un conseil d'administration tenu en huis clos, auquel on n'avait pas vraiment connu les conclusions. Donc, il a été appris que la destitution de la rectrice Nadia Ghazali a été recommandée par le comité d'éthique et de déontologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. En mai 2013. Donc, depuis mai 2013, on n'était pas au courant de ceci. Et malgré les conclusions du comité, donc de destituer la rectrice, donc de la renvoyer, le conseil d'administration a décidé de maintenir Nadia Ghazali en poste. Mm-hmm. Pourquoi? Le pourquoi, on le saura peut-être jamais vraiment. Est-ce que c'est parce qu'en la renvoyant, il faudrait qu'il lui donne un parachute doré, là, t'sais, d'une compensation de renvoi, comme avec les anciens recteurs du passé? Il y a peut-être bien une raison à ça. On ne saura pas vraiment quelles étaient les recommandations du comité d'éthique et de déontologie, ni les décisions du CA, puisque le CA a duré à peu près entre 6 et 8 heures. Aïe! Ouais. On trouve les CA de la GE long. Et pourquoi on voulait la destituer, ça non plus, on le saura peut-être pas. Mais il y a quand même plusieurs réponses, plusieurs pistes qui peuvent nous donner des idées. Autour de 2012-2013, quand elle est arrivée, elle venait de l'Université Laval. Et à l'Université Laval, elle avait sa propre chaire de recherche qu'elle avait voulu un peu... Amener ici, l'importer à l'UQTR. Ça demande beaucoup de frais, tout ça. Mais ça demande aussi d'avoir un poste de professeur. Quand t'es rectrice, t'es pas professeur. Mm-hmm. T'es pas censé faire de la recherche, t'es censé administrer. Si tu perds tout ton temps à faire de la recherche, pas perdre, mais c'est, dans le sens, t'auras pas le temps de faire ton travail qu'on te demande. Exactement. Qui est requis de toi. Donc, elle a tout de même réussi à se dégoter, ou du moins peut-être même se donner elle-même un poste non rémunéré de professeur au département d'informatique et de mathématiques. Okay. Donc, et ainsi, elle a réussi à rapatrier sa chaire de recherche et aussi de lui donner une subvention de 1 million de dollars. Ah, ben là, hein? Donc, c'est tous des papiers qu'elle a préparés sans vraiment en parler au conseil d'administration. Donc, autant envoyer ça à certains organismes subventionnaires, envoyer ça à la fondation aussi de l'UQTR. Donc, 1 million de dollars pour sa chaire de recherche. Hmm. Donc, c'est les raisons qu'on pourrait donner. Il y en a sûrement d'autres, mais qu'on connaîtra sûrement jamais. Hey, il fait froid dehors, hein? Des fois, on entre le matin. On a tout plein d'excuses pour tout plein de défauts. Mm-hmm. Puisqu'elle n'a pas été destituée et qu'elle est toujours en poste, sa défense, puisqu'elle a engagé un avocat pour se protéger, sa défense aura coûté 80 000 $. Wow! Et puisqu'elle est toujours en poste, ces 80 000 $-là seront payés par l'université. Ben oui, ça sera pas enlevé de son salaire quand même. Mais comment ça se fait que 80 000 $ ont été dépensés en avocat? C'est fou! OK. Oui, pendant les 6 à 8 heures qu'ont duré le conseil d'administration qui voulait la destituer, elle n'était pas là. Elle a été représentée par son avocat. OK. Donc, on peut dire en 8 heures de salaire d'avocat, ça fait quasiment 80 000 $. Mais si elle avait été destituée, elle aurait dû elle-même payer tout ça de sa poche. Ce qui coupe beaucoup d'épicerie. Bon. Je sais pas si elle mange ça des fois, ce macaroni au fromage. Je sais pas. J'attendais que quelqu'un fasse une blague de quelque chose, que son gaz là, dans son char, quelque chose comme ça. C'est ça. Elle allait moins se déplacer, gazali, quelque chose comme ça. Un jeu de moins de gaz puis gazali. Mais je laissais les autres le faire. Oh, ok, c'était plus sûr. Ouais, mais c'est parce que là, c'est un créer votre gag vous-même. Genre, c'est ça. Ouais. Tournez la page 34. Lorsque M. Yves Bolduc, le ministre de l'Éducation, a été mis au courant, mis au parfum de cette histoire-là, lui s'est dit, le problème est peut-être au niveau de la composition du conseil d'administration de l'UQTR. Ouais. Il y a plus de la moitié des gens sur le conseil d'administration qui sont de l'intérieur de la boîte. Mmh. Donc, qui sont soit cadres, qui sont soit professeurs, étudiants ou toute autre fonction de travailleurs. Qui sont sous Nadia Ghazali, qui ont des comptes à rendre. C'est ça, sous Nadia Ghazali. Mmh. Et l'autre petite moitié, si on peut dire, viennent de milieux socio-économiques, d'organismes communautaires dans la région, de gens qui sont influents ou indépendants, si on peut dire. Mais qui ne sont peut-être pas biaisés par Nadia Ghazali en tant que telle. Exactement. Donc, le problème, tu fais que plus de la moitié sont sous Nadia Ghazali, ben, ils se sentent un peu, justement, peut-être... Redevables, exactement. Si je parle contre elle, peut-être que ça va être retenu, je vais perdre son temps de subvention. Donc, c'est un peu mal vu. Donc, ça a été un vote serré, mais tout de même, elle est restée en poste. Et Yves Tousignan, le président du conseil d'administration, dit que c'est de l'histoire ancienne. Oui, oui. Donc, depuis 2013, tout a changé. Facile à dire, ça. Aussi, Yves Bolduc a continué sa réflexion en disant que l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées publiques est prête à revoir le cadre de gouvernance de l'UQTR. Donc, c'est de changer la composition du conseil d'administration. C'est pas une étape facile à faire, ouais, c'est ça. On dit souvent que donner plus de place à des gens de l'extérieur sur le conseil d'administration, c'est un peu marchandiser l'éducation en disant qu'on a moins en moins de pouvoir, mais avec l'analyse qu'on peut avoir ici, c'est sûr qu'avoir des gens plus de gens de l'extérieur, c'est peut-être bonne chose pour l'éthique. Le fait de si on peut dire, partager certaines idées, le fait de pas tout penser de la même façon, être plus indépendant de nos idées, finalement. Moins influençable. Oui, c'est ça, c'est exactement. Ça. Mmh. Être, avoir un certain recul, si on peut dire, sur nos décisions et non y vivre jour le jour. Tout ce que je vous ai dit, bon, ben, c'est sûr que ça peut expliquer les mauvaises relations entre Nadia Ghazali, le reste de la direction et tout le tralala. Mais son poste, depuis qu'elle est en poste, elle a toujours un peu dérangé. Son administration a dérangé. On se rappelle qu'elle ne fait pas l'unanimité et ça avait mené à une grande opération de relations publiques. Donc, en novembre 2012, le conseil d'administration avait mandaté une firme indépendante afin de procéder à une analyse et un diagnostic organisationnel pour savoir qu'est-ce qui marche pas dans Cabane. Donc, pourquoi Nadia Ghazali, la rectrice, ne s'entend pas avec son conseil d'administration? Pourquoi elle ne s'entend pas avec ses vice-recteurs et vice-rectrices? Donc, savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tout ça, ça menait un rapport en avril 2013 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. J'ai pas non plus les frais que ça a encouru, mais et on n'a pas non plus vraiment les recommandations. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est oui, nous acceptons les recommandations du rapport diagnostique. oui, nous allons créer un plan d'action selon les recommandations, mais les recommandations en tant que telles, même si c'est écrit qu'ils voulaient les rendre publiques, ça a été fait lors de nos réunions, mais jamais. Papier, si on peut dire. Mmh. Il y a aussi l'agrandissement de son bureau Pierre Boucher qui a créé un petit peu de malaise chez certaines personnes. Alors qu'on se serre la ceinture, elle agrandissait son bureau. Donc, on a fait un ascenseur, Pierre Boucher, mais elle en a profité pour l'agrandir en incluant une salle de bain et une douche privée. Dans l'ascenseur, ça n'a pas d'allure. Dans l'ascenseur. c'est surtout prétextant que, bon, c'est une femme très occupée et entre deux rendez-vous, elle a peut-être besoin de prendre sa douche, alors on a besoin d'elle, d'une, juste pour elle. Oui, elles sont bien intenses, ces rendez-vous. Ouh, fait chaud. Ouh, aïe, aïe, aïe. Le mandat de Mme Ghazali se termine le 31 janvier 2017. C'est long des contrats, ouais, ici. Oui, oui. Et d'ici là, bon, comme le CA, des fois, n'a pas vraiment autant de pouvoir, parce que c'est Mme Ghazali qui tient ça avec une main de fer dans un gant de velours, on dit que c'est au ministre de l'Enseignement supérieur de gérer cela entre-temps. Donc, d'ici 2017, pour peut-être se plonger dans tout ce dossier-là, tout ce merdier-là, on va se le dire. Oui, bien oui. Des fois, retracer des documents jusqu'à 2012, là, refaire tout l'historique d'un problème, ça peut être compliqué. Et en effet, tout se fait en privé et j'ai l'impression qu'on n'en saura que très peu à ce propos. Donc, même M. Bolduc, c'est ça, et les médias, il n'y avait pas beaucoup de communication entre ça, entre ces deux gens-là, entre médias et ministre. Fois, on garde ça à porte close, les communications. Donc, c'est à voir. On voit le bureau de Nadia Ghazali d'ici. Donc, en espérant que... On la check, c'est ça. Elle est sous surveillance. Oui, ben c'est comme le monstre, tu sais, là, des neiges, là, le Yeti ou le Grizzly Bear. Le Grizzly Bear. C'est comme un grizzly, mais Ghazali à la place, tu sais. Ce qui me fait penser à une chanson de Grizzly Bear. Voici Yet Again. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. take it all in stride. Speak, don't confide. You barely have a care. C'était Grizzly Bear et une pièce qui date de 2013, janvier 2013, en fait, la pièce Yet Again. Ah, oh, puis elle est bonne. De Grizzly Bear, ça me rappelle des beaux souvenirs. Oui, à l'époque, hein, t'étais déjà là, en 2013. Ben oui. Ben oui, c'est le fun. Maintenant, Steph, tantôt, en passant, pour te dire de rester à l'écoute, Steph, tout le long de l'émission, parce que je vais avoir une surprise pour toi. Hein? Une petite surprise musicale. Hein? On verra tantôt. On n'en parle pas pour l'instant, mais c'est dans les plans pour l'émission d'aujourd'hui. On va avoir le temps, c'est sûr. Mais avant ça, on va faire quelques petites listes de choses bien intéressantes. Voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on liste une liste de choses sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est quand même assez précis, Steph, et c'est à ta suggestion, à toi, ma chère. Ah ouais? Oui, c'est grâce à toi qu'on va faire ces deux palmarès-là pour commencer. C'est des faits sur deux choses qui vont très bien ensemble. Si je te dis deux choses qui vont très bien ensemble, Steph, qu'est-ce que tu me dis? Du beurre de pinot, de la confiture. Oui, t'en as un sur deux, bouh, hou, hou. Pour vrai? Ouais. Beurre de pinot, banane. Non, encore une autre chance. C'est dur, hein? Beurre de pinot, patate. Faire des bonbons, patate. Ben, j'aimerais ça, mais non, c'est beurre de pinot et Nutella, Steph. Oh! C'était pourtant tellement évident, mais bon. Ben ouais, hein? Mais là. Donc, on va faire 15 faits pour commencer, 15 trucs à savoir sur le beurre d'arachide pour le mois du beurre d'arachide, en fait, qui est le mois de novembre. C'est le mois. C'est le mois du beurre d'arachide. Des amoureux, en fait, du beurre d'arachide. Oh! Pas rien qu'un peu. Là, c'est, je sais pas s'il y a des jeux sexuels à faire avec ça, mais quand même, on pourrait en faire, c'est sûr. Donc, le meilleur ami de la confiture, tu l'as dit, mais moi, je le préfère avec du Nutella. Je t'ai déjà dit que je fais une toast Nutella, une toast beurre à pinot, j'en mange un petit peu de chaque, puis à la fin, je fais comme smouche, smouche, smouche. Dans ma bouche, bouche, bouche. Ah, notre public est en délire dans le studio. On a oublié de dire qu'on a gardé Laurent Constantin s'il veut participer. Donc, smouche, smouche, smouche, ma bouche, bouche, bouche. Commençons avec le débat. À savoir qui a inventé le beurre d'arachide. Le premier brevet américain... C'est un kangourou. Un kangourou, c'est Skippy qu'on l'appelait, je pense. Ouais. C'est ça. Donc, le premier brevet américain pour cette invention qui est le beurre d'arachide va à John Harvey Kellogg en 1895. Le Merci. Nom vous dit peut-être quelque chose, M. Merci, Kellogg. Merci, M. Kellogg. Merci. Donc, le Canadien Marcellus Gilmore Edson avait breveté une pâte d'arachide l'année d'avant. Mais c'était pas aussi délicieux apparemment sur des céleris, entre autres, hein, parce que c'était plus de la pâte d'arachide, j'imagine, plus classique, comme on achète des fois le beurre de peanut Mais mon Dieu, nature, on dirait, je vois... Mais ouais, c'est ça, on dirait, je vois pas comment ça pourrait ne pas être bon. Je veux dire, c'est juste pâte. Des peanuts. Mais oui, c'est ça. On ne sait pas la recette exactement. Mais c'est juste des peanuts. Moi non, je sais, mais il y a sûrement, je sais pas comment il la mettait en pâte. C'était peut-être trop sèche. Peut-être, trop sèche. Exactement. Plus de la moitié des arachides des États-Unis sont utilisés pour faire du beurre d'arachide. Donc, beaucoup, beaucoup d'arachides. Les États-Unis, c'est en fait le pays qui produit le plus d'arachides après la Chine et l'Inde. Je savais troisième pas. Place. Je savais même pas qu'ils en faisaient aux États-Unis. J'espère que ma liste n'est composée que de choses qu'on ne saura pas, sinon ça va être plate en mode. Ça prend environ 540 arachides pour faire un seul pot de 12 onces de beurre d'arachide. Wow! 540! Hé, hey, c'est plus que 500, ça! Il y a peut-être overbeat. Ça fait beaucoup d'écaleurs. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils ne mettent pas tout dans la bouche pour les écailler. les ventes de beurre d'arachide étaient surtout dans des marchés régionaux jusqu'au développement de l'hydrogénisation, on dit, dans les années 20. Donc, l'hydrogénisation qui empêche la séparation de l'huile d'arachide et le solide en tout cas, par une technique Mais c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Donc, c'est pour que le beurre d'arachide reste solide à la température pièce. Le beurre d'arachide hydrogéné. Ouais. c'est vendu plus que le beurre d'arachide naturel pour la première fois en 1942. En tout cas, la tendance s'enligne vers l'inverse. C'est peut-être de revenir aujourd'hui. À ça. J'en achète du naturel. Est-ce que t'aimes ça? Pas de sucre. Pas de sel. Ah, oh, j'adore ça. Moi, j'ai jamais... Ben, moi, je préfère ça parce que à cette heure, tu goûtes du beurre de peanut, petit nounours, puis c'est parce que tu goûtes comme plus la peanut dedans. Non, trop sucré, ouais. La saveur de peanut. Mais c'est d'ours. Moi, c'est le faux beurre de peanut que j'aime, comme le beurre de peanut Reese dans les Reese, c'est mon préf. Bon, mais ça compte pas, c'est dans un Reese. Ça compte pas? OK, cool. Je peux continuer? Cool. Devinez, oh, attention, quiz, là, vous aurez jamais la réponse. Qu'est-ce que l'arachibutyrophobie? Ça doit être la peur des peanuts. Ben, Colin, non. Ah, du beurre de peanuts. Non. Non? Non. La peur de mourir étouffé par une peanut. Non. La peur de pas digérer la peanut puis de l'archi... En gros morceau. Non, vous avez tous tort. Non, c'est la peur d'avoir du beurre d'arachide de pris dans le palais, la bouche. Ah! Belou. C'est l'arachibutyrophobie, sachez-le. J'ai même pas eu peur, hein? Il y a pas mal de beurre d'arachide de naturel, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais peu importe quelle marque vous prenez, soyez assurés que ce que vous allez avoir, c'est vraiment des arachides. En fait, la loi, là on parle des États-Unis dans ce cas-ci, mais la loi nous dit qu'un produit qui est nommé beurre d'arachide aux États-Unis doit avoir au moins 90% d'arachide. Ah, mais c'est honnête. Très honnête. Ensuite, dans la bataille du croquant versus le doux et lisse, quelle est votre préférence à vous deux? Le lisse. Le lisse, moi aussi. J'achète les deux et j'alterne. Ah ouais? Ah! Ouais, j'aime ça le crémeux aussi. Est-ce que tu dilues un peu comme on fait avec le blé d'Inde, crémeux ou pas? Tu sais, que tu mélanges une partie crémeux, une partie pas crémeux. Mais ouais, mais il y a déjà une partie crémeux dans le croquant. Ouais. Juste pas juste des moutons de peanuts, sinon achète-toi des peanuts. C'est vrai. Je mets des bananes dessus, là. Oh! Ah, ben oui! Des noix, c'est bon avec des noix aussi, des noix. Dedans. Mm-hmm. Ah. Il y a un mélange de Kraft qui fait ça, un beurre d'arachide avec des noix dedans, là, c'est dans le pot, c'est vraiment ouais, bon. Ouais, mais ça goûte pas épinote. Ben, c'est ça. Trompe, tu mets du beurre d'épinote, t'es bien fatigué, puis t'as une surprise. Une surprise! Donc, dans la bataille du croquant versus le lisse, les records de vente nous montrent donc la démographie de tout ça pour essayer de comprendre un petit peu. Les gens qui vivent sur la côte est préfèrent le beurre d'arachide crémeux, alors que ceux qui vivent sur la côte ouest, eux, préfèrent le style croquant. On est sur la côte est. On est sur la côte est, bien dit. Pas des États-Unis, mais on est à l'est. C'est un fait! donc, les femmes et les enfants préfèrent le beurre d'arachide crémeux, alors que les hommes, la plupart, sélectionnent le croquant. Ouais, c'est bien plus mâle, hein? Plus viril de croquer quelque chose. Hey, croque-moi une noix, croque-moi une noix. donc, pas très mâle de croquer des noix, en fait. C'est comme dans la chanson thème de David Ferron. Salé, notre salé, look at my nuts. C'est la phrase. Ah oui, ça, c'est ton idée. C'est mon idée. Donc, même si on pense à toutes ces préférences-là, 80% du beurre d'arachide vendu aux États-Unis est crémeux, alors que seulement 17% est croquant. Le reste d'une variété mélangée où le beurre d'arachide et la confiture sont ensemble dans le même pot. Entre autres, ça existe. Je savais pas. Le beurre d'arachide est plus que seulement délicieux et on va se dire, ça remplit bien un bedon à très peu de budget. Pour les étudiants, j'imagine que c'est une recette gagnante. Ça a des avantages, des trucs positifs pour la santé. Une étude récemment nous apprend que les filles entre l'âge de 9 et de 15 ans qui mangeaient régulièrement du beurre d'arachide avaient 39% moins de probabilité de développer une maladie du sein, une maladie bénigne. Parce que c'est le contraire, maligne. C'est le contraire de maligne, c'est ça? Ben oui, bénigne. Hein? Bénigne, c'est le contraire de maligne. Ouais. Donc, avant l'âge de 30 ans, ils ont 39% moins de probabilité. Le beurre d'arachide est rempli de potassium, ce qui aide à contrer les effets d'une diète à teneur élevée en sodium en relaxant les vaisseaux sanguins. Ça aide particulièrement lorsqu'on considère qu'un groupe de foodies va aimer probablement manger le beurre d'arachide avec du bacon. Donc, ça vient contrer les effets du bacon de manger du beurre d'arachide. Mais oui. Alors, tu dis yak avec bacon et beurre d'arachide? Je m'imagine quelqu'un qui beurre son bacon. C'est dégueulasse. Ah, câline que ça a l'air bon, ça. C'est spécial. Ah, le prochain, je pense qu'on le sait tous, mais en même temps, c'est bien de le mentionner, que les entraîneurs d'animaux dans les films et les émissions de télé vont utiliser du beurre d'arachide pour faire l'effet de faire parler des chevaux, entre autres. À l'époque, c'est ce qu'on utilisait pour faire parler un cheval. Donc, on leur mettait du beurre d'arachide et ça les faisait bouger la mâchoire. Les arachides sont apparemment très présidentiels. Thomas Jefferson, qui aimait cultiver les arachides avant de devenir président aux États-Unis. Il y a justement un excellent épisode d'American Dad. OK. Où, mon Dieu, j'ai comme oublié les noms, là, mais il part à la recherche Stan. De... Oh, non. Je connais juste Stan. Non, ben, parce que c'est moi qui te l'ai dit, ouais, genre la semaine passée. Tu vois? Mais écoute, il s'en va à la recherche de l'inventeur du beurre d'arachide. Là, il y a comme un complot, là, style à la Da Vinci Code. Là. Oh, wow. Ouais, c'était carré. Le beurre d'arachide avec de la confiture, ces sandwichs-là, c'est considéré comme une nourriture américaine. Mais pour le beurre d'arachide pur, les Canadiens et les Hollandais consomment plus que les Américains. Donc, de sandwich, j'imagine, beurre d'arachide et confiture. Non, le beurre d'arachide pur est consommé plus, oui, voilà, par les Canadiens et les Hollandais. Les arachides dans votre beurre d'arachide aujourd'hui, c'est une autre variété que celle utilisée il y a 50 ans. Dans les années 60, le beurre d'arachide était fait d'une combinaison de d'arachides espagnols qui ont un goût sucré à cause de leur teneur élevée en glucides, en gras, en huile, je pense qu'on va dire ça comme ça, qui sont utilisés comme souvent comme arachides cocktail plus dans les bars, entre autres, on va manger ça. Ah. Il y avait donc les arachides espagnols et les arachides de la Virginie qui ont une teneur élevée en huile, en gras, en glucides probablement, donc pour équilibrer un petit peu l'espagnol. De nos jours, c'est les arachides un petit peu moins chers, des runner peanuts qui sont utilisés pour le beurre d'arachide, ça coûte moins cher. Grand Saline dans le Texas, c'est là qu'on a le record pour le plus gros sandwich beurre d'arachide et confiture. Il pesait 1342 livres. Wow! Aïe, ça donne de l'appétit. Ouais, c'est tout un snack, comme faut on pas, dit. Faut pas gaspiller ça. Absolument pas, absolument pas. Et pour terminer, tiens, ce bloc sur le beurre d'arachide, je pense que ce serait bien d'aller écouter une version remix. Un peu d'une chanson que vous connaissez tous, c'est la chanson thème de Charlie Brown, Peanuts, hein? Par Vince Guaraldi, mais joue au piano. Oh, puis on revient tantôt. Piano par Vince Guaraldi. On revient dans quelques instants avec une autre partie de son foutu palmarès et plus tard on va manger tant qu'à parler de bouffe, ce sera une grosse pointe à l'adresse. Restez là, Assemblage Requis. On revient dans deux minutes. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. CFOU 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour Rassemblage Requis, en ce jeudi matin 27 novembre 2014, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et sur la chanson thème de Peanuts, parce qu'on parlait d'arachide tout à l'heure, on va continuer en quelques instants avec une deuxième partie de Son foutu palmarès. On va faire le pendant, de l'autre côté, le Nutella. Ce sera dans quelques moments, mais avançons sans m'entendre. Une pièce de Death From Above 1979. On vient de dire dans la publicité qui nous précédait qu'on était fou de métal. Peut-être pas du métal, mais au moins de la musique un petit peu plus intense que ce qu'on joue d'habitude à cette heure-ci. Donc voici Death From Above. Non, moi j'aime bien l'aluminium. Ah, je peux te faire jouer une chanson d'aluminium? Le style de musique, l'aluminium, ça, c'est très enveloppant. Ça garde au chaud. Ça fait des bonnes papillotes. Genre. Oui, oui. Hein, mon Dieu, papillotes. Papillotes, hein? Pas pire fancy. Non, on s'en va écouter une pièce de Dead From Above 1979 sur leur album The Physical World. Ce sera Trainwreck 1979. Mais pour vrai, avant ça, même si ça fit aucunement, je laisse terminer la chanson de Peanuts. J'aime trop ça. C'est le même. Apprendre ou à laisser. stranded, tired of the tracks. There's no hero, there's no villain, there's nobody I can blame. The story's still the same. I'm never satisfied. The problem with my brain. C'était Death From Above 1979 et Trainwreck 1979 à Assemblage requis. On était dans son foutu palmarès tout à l'heure. On faisait la liste de trucs à savoir sur les arachides, le beurre d'arachide. Maintenant, c'est une liste de trucs à savoir sur le Nutella, Stéphane. Ah! Ouh, ça va être le fun. Donc, autour du monde, il y a des crimes par rapport au Nutella, savais-tu? Mmh. Ouais, en 2013, cette tartinade noisette chocolat fait les grands titres en Allemagne. Les voleurs avaient réussi à se trouver 20 000 $ Nutella. Donc, ils ont volé 5,5 tonnes métriques de cette tartinade dans un camion qui était stationné. Ça, c'était en 2013. Oui, ça me dit quelque chose. Ah ouais, hein? Oui, oui. Un peu comme le sirop d'érable au Canada et plein d'autres choses comme ça. Plusieurs semaines auparavant, c'était à l'Université Columbia qui se trouvait au centre d'un Nutella Gate. On a exposé l'école parce qu'elle dépensait 6 000 $ par semaine sur la tartinade pour une de ses cafétérias. Les étudiants mangeaient environ 100 livres de Nutella par jour. Wow! Wow, en effet. On ne sait pas si c'était vraiment du vrai Nutella ou un produit similaire par une autre marque, probablement. Sûrement pas, parce qu'il n'en parlerait pas. Et voilà. Savais-tu que Napoléon et Hitler sont responsables pour notre addiction, notre dépendance au Nutella? Non! C'était en 1806. Napoléon a essayé de geler le commerce britannique pour essayer de gagner la guerre de l'époque. Donc, le résultat, c'était une blocade continentale qui a fait que le coût du chocolat a augmenté vraiment de façon significative. Mm-hmm. Et les chocolatiers étaient mal pris. Donc, étant très débrouillards, les chocolatiers de Turin ou Tourin, peu importe comment vous le prononcez, ont commencé à mettre des noisettes tranchées, coupées en morceaux, broyées dans leur chocolat pour étirer leur formule. Et donc, c'était évidemment délicieux. Ils ont nommé cette pâte-là la Gianduja. Hein? Et plus d'un siècle plus tard, le chocolat est redevenu cher et rare à cause des rations en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un fabricant de pâtisserie, donc un pâtissier italien nommé Pietro Ferrero, peut-être que son nom te dit quelque chose. Vaguement. Hein? Et retourné à la noisette pour sauver la mise en 1946, il a créé Pasta Gianduja. Il a renommé Nutella en 1964. C'est quand même semi-récent. Ben, ça veut dire, ça fait 50 ans, année, que le Nutella s'appelle Nutella. Celebrate good times, come on! Nutella. Il y a le même âge que le Tim Horton. Oh, ben, Colin, c'est des cousins de la fesse gauche. C'est un déjeuner de champion. Selon le livre des records Guinness, c'est le 40e anniversaire, la célébration du 40e anniversaire de Nutella en Allemagne en 2005, a présentement le titre du plus grand déjeuner continental de tous les temps. Un total de 27 854 personnes se sont rassemblées à Gelsenkirchen pour savourer un repas qui consistait pas mal de Nutella et de ces de trucs qu'on peut mettre avec du Nutella, finalement. Mmh. Donc ça, c'était en 2005. Un pot de Nutella s'est vendu à chaque 2,5 secondes dans le monde. Donc, wow. En ce moment, il vient de s'en vendre comme une couple. Donc, selon le United States Census Bureau, une personne naît à chaque 8 secondes. Donc, il y a plus de pots de Nutella fabriqués que de gens qui naissent. Ça veut dire qu'on va bientôt être envahi par les pots de Nutella. C'est une chance qu'on les mange à mesure. Et ils sont tellement plus délicieux que les bébés. Pour avoir essayé, non du tout. Non seulement est-ce que c'est disponible pour être acheté comme produit dans 75 pays, tous les Nutella vendus dans une année, si on le tartinait, ça pourrait couvrir plus de 1000 terrains de soccer. Ça, c'est des informations qu'on veut savoir. Mais vous avez oui. le droit de savoir ça. 1000 terrains de soccer. En 2009, Nutella avait la troisième page la plus likée sur Facebook avec 2 millions de fans. Oh, ça, c'était en 2009. Derrière Barack Obama et Coca-Cola, Nutella n'est plus dans le top, dans le sommet. Présentement, c'est quand même 29 millions de likes pour Nutella. C'est pas, mais c'est pas dans le top. Oh, dommage. Ouais. Il y a une journée nationale, non, mondiale, pardon, du Nutella. Mm-hmm. Deux blogueurs en Italie ont décidé d'amener leur amour de Nutella au prochain niveau en 2007. Ils ont créé une célébration mondiale dédiée à cette substance qui devient facilement accrocheuse. Donc, chaque année, le 5 février, c'est la journée du Nutella. Donc, on partage des recettes de Nutella, des souvenirs, on regarde des photos de produits du Nutella dessus. En 2013, par contre, le manufacturier de Nutella, Ferrero, a complètement mis les bâtons dans les roues. Ils ont stoppé ça, liste noire, la World Nutella Day, mais ensuite, ils ont répondu aux demandes des fans et ils ont lâché prise. Donc, au moins, ils ont écouté. Mais parce pourquoi? Qu'ils voulaient balayer ça. Pourquoi? Je veux parce dire, c'est une marque de commerce. Mais oui, mais c'est une publicité pour eux autres. Ah, mais ça, je pense que les gens dans les grandes compagnies ne comprennent pas la publicité gratuite. C'est pas quelque chose qui fonctionne dans leur cerveau, ça. Non, c'est vraiment bizarre. Profitez-en. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a créé ça, c'est parce que ton produit, il est hot. Ben, mais en. Puis c'est quoi sinon? Ça va être la genre. Chocolate Hazelnut Spread Day, là. Non, c'est pas beau. Nutella, c'est un beau nom, en fait. La substance chocolat-noisette Gianduja, dont on a parlé tantôt, est nommée en l'honneur d'un personnage d'une commedia d'arte italienne nommée Gianduja, donc qui est un homme en passant, qui est un paysan avec un chapeau à trois pointes qui se promène dans la ville avec son âne et un douja, qui dans le dialecte local veut dire un contenant. Donc le contenant qui pouvait peut-être avoir... Le dialecte piémontais. Piémontais, je n'avais pas le mot en tête, merci de le dire. Piémontais, donc apparemment qu'il y avait du vin dans son douja. Hein? Mais ça aurait pu être aussi quelques livres de ce mélange chocolaté noisette, on ne sait pas. Il y a des masques de Gianduja qui sont vendus partout dans la région de Piémont en Italie. Donc son visage est partout sur les publicités de Nutella là-bas. Voilà. Intéressant. Et finalement, Nutella est devenu tellement populaire en Italie que les marchés italiens ont commencé à offrir des tartinades gratuites de Nutella à un enfant qui se présentait avec un morceau de pain. Le phénomène s'appelle « the smearing », donc la tartinade. Et voilà, ça pourrait... Ça pourrait être autre chose de se tartiner quelque chose, mais bon, on fera rien de sexuel. Franchement, c'est des enfants! Des enfants! Tartinade! Voilà! Oh. Écartille ta tranche de pain, puis viens te faire tartiner. Bon, hein? OK. Non. C'est tout pour son foutu palmarès. Moi qui ai une joke une fois de temps en temps. Sur des enfants? J'ai pas parlé de sur les enfants. Dans quelques instants, ce sera une grosse pointe à l'adresse. On va se garnir un petit peu la face et d'autres endroits où vous voulez, de différentes nourritures à boire ou à manger. Ce sera dans quelques moments, mais avant ça, une pièce du palmarès francophone cette fois-ci. On va l'entendre Kipler. C'est son extrait Scaffandre. Tout de suite au 89 FM. C'est fou! Si j'écris des noms à l'encre de chine partout sur les murs de mes pieds à ma tête, si je deviens fou, si je mets dans un vide. Je vous entends, je vrille des pas, j'irai quelque part au fond de la sentiments. Je te dirai sois prudent. Mon amour à moi est grand. Si la maison brûle, dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi. Fally Bloom et sa pièce Blanc, Assemblage requis. Blanc est un indice par rapport à peut-être notre prochaine affaire qu'on va faire après la pause, mais je peux pas vous la en neige. Dire plus. De la neige. On va manger de la neige. Ça serait-tu parfait, ça? Mais non, c'est pas ça. Au retour, une grosse pointe à l'Est. Assemblage requis, puis après ça, Caroline, une demi-heure de jasage sur de la bouffe. Il n'y en aura pas de musique pendant un bout de temps. Restez avec nous. TV. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi 27 novembre 2014 et c'est Fally Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Comment est-ce que le mois se déroule en ce moment? Je pense qu'on va être le 1er décembre, lundi prochain. Hein? C'est la dernière émission du mois de novembre. Merde, faut payer le loyer. Oh boy, c'est bien trop vrai en fin de semaine. La grosse fin de semaine de partying et de payage de loyer. Ça va être bien fun. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour déprimer, on n'est pas là pour se dire des choses négatives. On est là pour s'amuser dans la vie. C'est le but de l'émission, de vous divertir tout en vous donnant des idées de choses à peut-être vous procurer pour vous mettre dans la bouche. Uh-huh. Oui, parce que c'est le moment... Une grosse pointe d'Andresse.

pour cette chronique-là. Ben, c'est bien, c'est ça. C'est le but, c'est ce que je veux faire, en fait. J'aime ça. C'est ma carrière, là, mon choix de carrière, de faire des fast-food comme ça, des affaires comme qui n'ont pas d'allure. Malbouffe, c'est ce qu'on fait dans une grosse pointe d'adresse chaque semaine. Habituellement, même c'est mardi. Malbouffe. Ça dépend, ouais, c'est ça. Pas tant malbouffe, là. Non, mais tu sais, ma définition est bien large. C'est juste pas des fusées. Mais c'était les cannes de Noël. Ben, c'est ça. C'est des bonbons. Moi, je trouve. Mais tu sais, c'est ça. La définition est propre à chacun. Mais moi, c'est très large. Un peu comme je deviendrai avec ces chroniques. De toute façon, on s'en sait que c'est ta chronique. Ben, c'est ça. Ou comme dirait une sage, je m'entorche. Genre à toutes les affaires que je dis. ça me dit quelque chose. Ça sent un peu de qui on parle. Mais je t'apprécie énormément. Donc, une grosse pointe en adresse. Habituellement, les mardis, on fait ça dans le milieu de l'émission. On s'en fout un petit peu. On s'entend. Où est-ce qu'on fait ça? T'sais, ça change vraiment quelque chose pour vous autres. Non, vous l'écoutez rien que des meilleurs moments pareils. Fait que fuck you. T'sais, écoutez-nous en direct. C'est quoi l'affaire? Bande d'aigres. OK. Oui, parce qu'il y en a peut-être deux, trois qui nous écoutent pour vrai. Là. Ben là, j'espère plus que ça. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les informations de l'émission, bien sûr, et savoir où sont nos chroniques dans cette merveilleuse semaine de 4 jours qui est Assemblage Requis. Voilà. Maintenant, continuons notre émission avec une chanson qui a rapport avec le thé. Pourquoi pas? Ah ouais? Ouais, on s'en va entendre. Ah? The Harpoonist and the Axe Murderer avec leur succès d'il y a quelques mois, Tea for Two. Ça, c'est fou. 89 FM. Et on échange nos thés. On a échangé nos thés cet automne à Canada. Cet hiver. C'était tellement bon. C'était nos amis de The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42, comme vient d'entendre à Assemblage Requis. Maintenant, Stéphanie, je pense qu'on serait dû pour une petite demande spéciale de ta part ou de quelqu'un d'autre. Hein? Quoi? C'est ta demande spéciale à toi ou c'est la demande à quelqu'un d'autre? Oui, c'est ma demande. C'est quelque chose que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour le poste d'écoute. Et j'ai bien apprécié cette pièce-là. Tu veux-tu que je nous envoie la pièce? J'aimerais ça que tu me la présentes. Oui, on s'en va entendre. C'est A Taste of Silver et c'est de la formation Until the Ribbon Breaks. Donc, c'est un genre de, comment dire, un tailgate de poste d'écoute, genre. C'est comme, tu sais, les préliminaires du poste d'écoute. C'est comme ça. C'est un peu ça. Ça a passé proche d'être de faire le poste d'écoute, mais pas assez. Je dirais que c'est comme la seule que j'ai vraiment accrochée. Ça arrive, ça, des fois, que t'essayes un CD et il y en a juste une de bonne. Ça arrive. Parce que des fois, les styles ils couvrent quand même large. Puis il y a une pièce qui vient te chercher pour une raison, mais que les autres viennent pas te chercher. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que c'est peut-être moins dans ta palette. Exactement. Parce que c'est pas que c'est mauvais du tout. C'est pas ça que j'ai dit. Donc, on écoute ta demande spéciale à l'instant. C'est A Taste of Silver par... C'était, tu disais, Until the Ribbon Breaks. C'est bien ça? Exactement. À Assemblage Rookie. Taste of Silver par Until Ribbon Breaks à Assemblage Rookie. Un choix de Stéphanie Paradis. Puis, c'est pas vrai? C'est bon, c'est ouais. Très bon. Oui, j'aime bien. C'est festif. Tiens, hein, festif. Joyeux Noël, Until the Ribbon Breaks. Au retour. Ben oui, quand t'essayes d'ouvrir un cadeau, faut que tu tires vraiment fort, fait que tu as le cadeau. Ben raison. Moi, tu tires jusqu'à ce qu'il pète. Jusqu'à ce qu'il pète. Ah, tire le ruban jusqu'à ce qu'il pète. C'est pas le nom en français de ce groupe-là, peut-être? Ben oui. Tire le ruban jusqu'à ce qu'il pète. Bon, au retour, ce sera le poste d'écoute, toujours avec Stéphanie Paradis. Il reste une demi-heure d'assemblage requis, restez là. Jusqu'à ce que je pète. Jusqu'à ce que... C'est bon jusqu'à ce qu'on pète toute la gang. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on est toujours en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières ce jeudi 27 novembre. Wow, j'aurais pas pu mieux dire. Ben non, t'aurais pu. En fait, je suis pas mal sûr que t'es capable de le faire. Mais c'est, pas mieux. Crois en toi. Au moins juste égal. Comme on disait, c'est le dernier jour du mois de novembre pour Assemblage requis. Vous, il vous en reste encore quelques-uns, mais c'est vous autres. Tout en train de vivre toute la semaine, 7 jours semaine. Nous autres, on fait la moitié plus un jour. Fait que, t'sais, quand tu y penses. La moitié plus un jour. Parce qu'on fait 4 jours, puis il y a 7 jours dans la semaine. Fait que ça fait 3.5. Ben, c'est la moitié plus un. Ouais, c'est pas plus un, c'est plus une demi. C'est moitié plus un jour, la moitié moins. T'as raison. Mais la moitié, non, mais la moitié de 7, c'est. Ouais, t'as raison, c'est 3.5. Mais t'as raison. Mais je dis ça, mais je suis pas bonne en maths. Ben, c'est comme. Hier, mon chum m'a fait un test de géométrie. Tu peux-tu me lancer un coussin carré puis un coussin rond? Il y a trop de coussins, je pense, chez nous. Waouh! Mais tout ça pour dire, en fait, tout ça pour ne pas dire du tout. Vraiment pas, parce que ça nous amène absolument pas au sujet dans lequel on va. C'est le moment du poste d'écoute d'assemblage requis. Pire introduction ever, ça. C'est le poste d'écoute! OK! Wow, les enfants! Est-ce que vous avez du plaisir, les enfants? Faites la vague, les enfants! C'est ça. Écoute, le poste d'écoute... C'est quoi donc, le poste d'écoute, c'est ça? Ben ça, le poste d'écoute, c'est moi. OK. Je m'en vais dans les nouveaux arrivages de C'est fou. Tu mets ta petite lampe de poche dans ton front. Ça, c'est une lampe frontale. Lampe de poche de front. C'est un laisseur dans le front. Et là, j'écoute plein de musique et je sors le meilleur juste pour vous. Wow, quel privilège avons-nous. Aujourd'hui, par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. C'était quelque chose que nous, on connaissait. Ah, c'est fou, moi, j'ai déjà été présente ici alors que c'était sur le palmarès en même temps. Mais on aime ça. Il y a un nouvel album, fait qu'on veut l'entendre. Ben oui. Et c'est Second Sight de Hey Rosetta. Hey, hey Rosetta. Hey Rosetta. Donc, Hey Rosetta, ça, c'est une formation d'origine de Terre-Neuve-Labrador, hein, de Saint-Jean. Ouais. Ou de Saint-Jean en français. Ouais, c'est je pense que tu dis tout le temps Saint-Jean, c'est parce Saint-Jean. Il y a un autre Saint-Jean, faut pas y mélanger. T'sais. Ouais, Saint-Jean-Chrysostome. C'est ça. Donc, oui, ils viennent de Saint-Jean, Terre-Neuve-Labrador. Et c'est formé de Tim Baker à la voix, au piano et à la guitare. Adam Hogan à la guitare. Josh Ward à la basse. Phil Maloney à la batterie. Ne pas se tromper avec la charcuterie, le ballonné. Kinley Dowling au violon. Et Ramesh Tavanathan au violoncelle. Mm-hmm. Donc, Hey Rosetta, qu'est-ce que ça fait comme genre de musique? C'est un rock indie, pop, tu mélanges de tout ça, un peu de folk à travers tout ça. Pas trop. Mais pas de non. Parce que juste, ça peut devenir... Non, mm-hmm. Des touches de. Good. Et ça existe déjà depuis 2005 quand même. Okay. Donc, près de 10 ans. Donc, ça dépend. Peut-être que c'est janvier, donc peut-être que ça va être très bientôt, leur 10e anniversaire. Mm-hmm. Et savais-tu que l'origine... Ça va être Happy Birthday, Rosetta. Oh, birthday. Oui. Hey, Rosetta. Prends ça en note, tu le réécriras sur leur page Merci, Facebook. Merci, c'est bon, ça. Donc, l'origine du nom du groupe est inspirée de la pierre de Rosette, hein, ben comme oui. On peut le supposer. Est-ce que j'ai ça en tête, si la petite Rosette, là, tout le temps? Oui, mais c'est pas une pierre. C'est pas une pierre? Ben, mon père s'appelle Pierre. Fait. Ah, peut-être. Peut-être ça. Peut-être. Donc, c'est inspiré de Mathieu Plante. Voilà. Donc, la pierre de Rosette, qui était une stèle écrite en trois langues. Donc, hiéroglyphe égyptien antique, le grec démotique et antique. On dirait qu'il manque une langue. Je sais pas, mais je sais que Rosetta Stone, la pierre de Rosette, là, c'est aussi le nom d'un logiciel pour apprendre les langues. Rosetta Stone, c'est magnifique comme brillant. Nom pour vrai. Brillant. C'est parfait, c'est parfait. Et on va continuer sur cette brillantitude. Et on va l'entendre dès maintenant une première pièce... Le titre est quand même long, là. Je vais essayer de bien le prononcer parce que il y a comme des jeux de sons. C'est Soft Offering for the Oft Suffering. Wow, hein? Et ça, c'est dans le poste d'écoute à Assemblage Requis. sun rising, up the horizon and into our tired eyes, the spell of night is struck down, our second sight is bleeding out. put my body on a wagon and carry me off to the ocean. Let me float on into the eastern sun. I'll wait till capote, là, comment c'est bon. C'était Gold Teeth de Hey Rosetta, tiré de leur dernier album Second Sight. Et on a ouvert ce bloc avec Soft Offering for the Off the Suffering. C'était malade. C'est vraiment très, très bon. Second Sight, c'est le premier album depuis 4 ans hein, de Hey Rosetta. Album complet, on s'entend, il y a eu quelques maxi depuis. Mm-hmm. Ça représente pour eux une assez longue gestation musicale dans leur histoire. C'était peut-être un peu plus complexe pour eux parce qu'ils ont commencé cet album-là avec juste une longue liste de nouvelles pièces qui n'avaient pas vraiment de concept entre elles. Donc, c'était un gros processus de réflexion pour arriver à quelque chose de homogène, si on veut, quelque chose qui s'harmonisait très bien entre elles. Donc, si on fait peut-être un petit historique de leurs albums, donc de leurs albums complets, leur premier est paru en 2006 avec Plan Your Escape. Ensuite, c'est allé en 2008 avec Into Your Lung and Around in Your Heart and On Through Your Blood. Hey, ils font pas ça pour toi, cet album-là. Hein, pour la... c'est assez pour long. Ensuite, en 2011, Seeds. Ça me convient. Grand, t'aimes ça, c'est sûr. Grand, ben oui. C'est pas ça que je voulais dire. Mais, en tout cas. Et finalement, en 2014, Second Sight, qui est sorti plus précisément le 21 octobre 2014. Malheureusement, pour les Américains, ça sort juste en janvier 2015. Loser. Ensuite, pour les maxi, il y en a eu quand même plusieurs. En 2005, il y a eu Hey Rosetta. En 2007, Plan Your Escape. En 2010, Red Song. En 2012, Sing Sing Sessions. Et finalement, encore en 2012, hein, il y a eu deux maxi en 2012, A Cup of Kindness Yet. Je crois que c'était celui-là qu'on avait eu au palmarès. Possiblement. À mon époque, que c'était l'album de Noël. Ah, ben oui, je me rappelle. Un bon album de Noël. C'est vrai. C'était pas Garou. Non, c'était pas... c'est qui d'autre qui en a sorti un? Joël Legendre. Joël Legendre, exact. Joël Legendre. Joël Legendre. L'album de Noël. Ah oui. Comment? C'est sûr que c'est bon, là. Leonardo DiCaprio. Pas le choix, là. On va retourner en musique. Ouais, ce serait le fun. Sur ce délicieux segment. Et on s'en va entendre Neon Beyond. Dans le poste d'écoute. Dans son bagerie. Oh. Salut Joël. On t'aime bien pareil. Non, ben oui, j'aime beaucoup ses recettes. Baby in the basket. I saw you reaching out your head. You were grasping at the wind. I knew exactly what you meant. I was sitting on the last train. It was dragging me home to all of that mess. Pulled over the tracks. Sitting still felt more like falling back. How come there comes a rock from underneath. to cling to the easier path, but this is a wrong turn. Feeding that fear is the only way past, so do not be hemmed in. Do not buy a dollar, no doctrine, no slope. No, don't think of small things. Turn your eyes to the neon beyond. After all you've given up, every crumb they took from your tongue. After all your bitter luck, are you silently swallowing stone? After all you've given up, are you drowning your runaway son? Now you already speaking up, saying enough is enough, but is enough is enough, summer where I first saw you. C'était... La réaction. C'était Kim Sukuroi. Je pense que c'est du japonais. OK. Et juste avant, c'était Neon Beyond de Hey Rosetta. Magnifique, c'est bon. De leur tout dernier album, Second Sight. Très bon choix encore, comme toujours. Mais ça, c'est une valeur sûre. Tu le savais dès le départ que c'était bon, Hey Rosetta. Oui, ben des oui. Vétérans, des palmarès, c'est fou. C'était bon. Yeah. À vous, là. Oui, on a entendu 4 pièces. C'était malade. Le poste d'écoute, on fait ça les jeudis. On fait l'émission à 9h. Voilà. Ça va être déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui, Steph. Drette de même. Faut qu'on se dise au revoir. On n'a pas le choix. C'est tout. Nous serons de retour lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. À 11h, évidemment, Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, la série documentaire. À 14h, Jour de paye. 15h, Livre ouvert. À 16h, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante en rappel. À 19h, 13e étage et 21h, Radio Sonic avec de la musique variée. Mais dans quelques instants, à 9h30, ce sera Deux filles de style, une émission. 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Alors, ça commence. Dans mes ouais, c'est pas très important le mime, par contre. C'est pas le côté dans plus important. Dans mon cœur, oui. Je m'inspire beaucoup de Dédé et Anthony. Dans Fort Boyard. Fort Boyard. Aïe, j'étais pas sûr où ça s'en allait, tout ça. Donc, c'est ça, on va être là lundi, puis on va avoir bien du fun ensemble. Passez une belle fête de semaine, tout le monde. Ben, mais, hein. Je vous dirai. Puis, je vous souhaite du beau temps. Oui. Du chocolat chaud. OK. Un petit peu de foyer. Ouais. Ouais. C'est ça. Des pantoufles. Un puis, bon film. Je vous souhaite de pouvoir vous envelopper ensemble, comme avec le Oli Laroche qui chante cette chanson-là. Oh. À lundi.